Don't Stop Believing du groupe Journey sur RGM, un peu plus de 8h36. On est toujours dans la matinale et on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 27 février 1939, naissance de Kenzo Tagada, styliste japonais fondateur de la marque de vêtements, d'accessoires et de parfums qui porte son prénom. 1941, naissance de Charlotte Stewart, actrice américaine connue pour son rôle d'Eva Biddle Sims dans la série télé La Petite Maison dans la Prairie et celui de Betty Briggs dans la saison 3 de Twin Peaks. 1948, naissance de Féodor Atkin, acteur français actif dans le doublage, notamment la voix française de Hugh Laurie, alias Dr House, et plus récemment de Tommy Lee Jones. Il a été aussi la voix du personnage Jafar dans les films d'animation Aladdin et Le Retour de Jafar. 1953, naissance de Yolande Moreau, actrice réalisatrice belge, vue dans Germinal, Le Hussard sur le toit, dans le rôle de Madame Rigoire, Le Bonheur est dans le Pré, Les Trois Frères, Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain dans le rôle de Madeleine Wallace, Séraphine dans le rôle de Séraphine de Senlis, récompensée par le César de la meilleure actrice, vue également dans Incognito, Gainsbourg Vie héroïque dans le rôle de Fréhel, et elle a réalisé le film Quand la mer monte, récompensée par le César du meilleur premier film. 1954, naissance de Nils Cohn, musicien américain, guitariste du groupe Journey. 1962, naissance d'Adam Baldwin, acteur américain, vu au cinéma dans Full Metal Jacket, Predator 2, Independence Day dans le rôle du major Mitchell, The Patriot, Le Chemin de la Liberté, la série télé Chuck dans le rôle du major, ensuite colonel John Casey, Castle ou encore The Last Ship dans le rôle de Mike Slattery. C'est également l'année de naissance de Grant Shaw, acteur américain connu pour son rôle de Jack Hanson dans la série télé Melrose Place, celui d'Archer Montgomery dans Private Practice ainsi que Grey's Anatomy où il apparaît dans un épisode, Parent par accident dans le rôle de James, Les Experts, Esprit criminel, Devious Maids dans le rôle de Spence Westmore et depuis 2017 il joue dans Dynasty le rôle de Blake Carrington. 1966, naissance de Donald Logue, acteur canadien. Vu dans Les Quatre Filles du Docteur March dans le rôle de Jacob Meyer, Blade, La Ligne Rouge, Ghost Rider dans le rôle de Mac, la série télé Urgence où il apparaît dans 11 épisodes dans le rôle de Chuck Martin, Life dans le rôle du capitaine Kevin Tidwell ou encore quelques épisodes de Sons of Anarchy dans le rôle de Lee Torik. C'est également l'année de naissance de Pierre Pousse, ancien joueur de hockey sur glace français devenu entraîneur. Il a été co-entraîneur de l'équipe de France aux côtés de Dave Anderson mais maintenant il est coach de l'équipe de France U20. 1971, naissance de Chili, chanteuse américaine, membre du groupe TLC, dont on va tout de suite écouter un extrait de leur titre, de leur tube même, No Scrubs. A scrub is a guy that thinks he's fine, is also known as a buster. Always talking about what he wants and just sits on his broke ass soul. No, I don't want your number, no, I don't wanna give you mine and no. I don't wanna meet you nowhere, no. Don't wanna nail your time, and no. I don't want no scrub. A scrub is a guy that can't get no love from me. Hanging on the passenger side of his best friend's ride, trying to holler at me. I don't want no scrub. A scrub is a guy that can't get no love from me. Hanging on the passenger side of his best friend's ride, trying to holler at me. He's checking me, but his game is kinda weak, and I know that. Cause I'm looking like class and he's looking like trash. Can't get with a deadbeat ass. So yeah. No, yeah. I don't want your number, no. I don't wanna give you mine and no. I don't wanna meet you nowhere, no. Voilà pour l'extrait des TLC. Allez, on continue les anniversaires. 1974, naissance de Julie Andrieux, animatrice télé française. 1978, naissance de Thomas Pesquet, astronaute français. 1980, naissance de Bobby Valentino, chanteur américain connu pour le titre Slow Down, dont on écoute tout de suite un extrait. You made me do this. Tim and Bob. Bobby Valentino. You know how we do. Another one. I saw you walking down on Melrose. You look like an angel straight out of heaven, girl. I was blown away by your sexiness. Now all I have to do is catch up to you. Slow down, I just wanna get to know you. Slow down, never seen anything so lovely. Voilà pour l'extrait de Bobby Valentino. On continue. 1981, naissance de Josh Groban, chanteur américain. 1992, naissance de Jimmy Vico, athlète français spécialiste du 100 mètres qui aux Jeux Olympiques compte une médaille de bronze et aux championnats du monde une médaille d'argent. 1993, naissance d'Alphonse Areola, footballeur français en contrat depuis 2012 avec le Paris Saint-Germain, mais pendant les saisons 2013-2014, il a été prêté à Lens. De 2014 à 2015, prêté à Bastia et de 2015 à 2016 au club de Villarreal, pardon. Mais depuis 2016, il joue de nouveau pour le PSG. En 1892, décédé Louis Vuitton, célèbre maltier français. En 1980, décédé George Tobias, acteur américain connu pour avoir joué le rôle d'Albert Kravitz, le mari de Charlotte, la voisine écornifleuse dans la série télé Ma sorcière bien-aimée. En 1999, décédé Stéphane Sirkis, musicien français, guitariste du groupe Indochine. Et en 2015, décédé Leonard Nimoy, acteur américain connu principalement pour avoir incarné le personnage de Monsieur Spock dans la série et les films Star Trek, ainsi que pour son personnage de Paris dans la série Mission Impossible lors des saisons 4 et saison 5. Et on avait pu le voir également dans plusieurs épisodes de la série Fringe où il incarnait le docteur William Bell. Allez, nouvelle pause musicale. Non, on va faire un point sur les sorties cinéma. J'ai failli oublier, mais oui, on est mercredi. Avant de s'écouter Josh Groban, on fait un point sur les sorties cinéma. On commence avec celle que vous croyez, un drame de Safin Ebou avec Juliette Binoche, François Civil ou encore Nicole Garcia. Autre film, Sans froid, un film d'action policier de Hans-Peter Molland avec Liam Neeson, Tom Bateman et Tom Jackson. Autre film, Apprenti parent, comédie de Sean Anders avec Mark Wahlberg, Rose Byrne et Isabelle Amoner. Autre film, Jusqu'ici tout va bien, comédie de Mohamed Hamidi avec Gilles Lelouch, Malik Bentala ou encore Sabrina Ouazani. Autre film, Marie Stuart, Reine d'Écosse, un film d'historique, drame de Josie Rourke avec Saoirse Ronan, Margot Robbie ou encore Jake Lauden. Autre film, Escape Game, un thriller d'Adam Robitel avec Taylor Russell McKenzie, Logan Miller et Deborah Ann Wall. Et enfin, dernier film, c'est un film d'animation intitulé Wardy. Allez, tout de suite, on s'écoute Josh Groban avec son titre You Raise Me Up. when I am on your shoulders, you raise me up to more than I can be. You raise me. You raise me up, Josh Groban, sur le 107 FM, pile 8h49, on fait un point météo. La météo. Eh bien, aujourd'hui, ce sera encore une journée, on va dire, estivale, hein, du soleil, pas un seul nuage à l'horizon. Des températures comprises entre 0 et 2 degrés ce matin, entre 18 et 19 degrés pour cet après-midi. Jeudi, toujours du soleil, cette fois-ci accompagné de quelques nuages. Des températures comprises entre 3 et 4 degrés demain matin, entre 12 et 14 degrés pour demain après-midi. Et vendredi, ce sera le retour de la pluie. On l'avait presque oublié, avec des températures comprises entre 5 et 6 degrés vendredi matin et entre 8 et 10 degrés prévues pour vendredi après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. En football, quart de finale de la Coupe de France où le Paris Saint-Germain s'est qualifié sans difficulté 3-0 face à Dijon. Ce soir, Rennes affronte Orléans, club de Ligue 2, et Lyon affrontera Caen. Et à noter qu'à Bordeaux, Ricardo a été démis de ses fonctions 6 mois après seulement son arrivée. Un mot de basket avec les résultats de NBA. L'équipe d'Orlando, d'Evan Fournier à 15 points, s'est inclinée face à l'équipe de New York 108-103. Et l'équipe de Boston, de Yabusele à 5 points, s'est incliné face à Toronto 118-95. Un mot de tennis. Alors, c'est un peu catastrophique pour nos Français à Indian Wells. Il n'y a plus de Françaises en compétition après l'élimination de Blanenovic hier en 3-7 face à Baczynski 3-6, 6-4, 6-3. À Acapulco, pareil, il n'y a plus de Français ni de Françaises puisque Pauline Parmentier s'est inclinée en 2-7 face à Sloane Stephens 6-2, 6-2. Et Adrian Manarino s'est incliné en 3-7 face à John Isner à 6-3, 4-6 et 6-3. A noter que Rafael Nadal, lui, s'est imposé face à Misha Zverev 6-3, 6-3. Et à Dubaï, seul rescapé hier, c'est Gaël Monfils qui s'est qualifié en 3-7 face à Marin Cilic 6-3, 4-6, 6-0. Benoît Paire s'est incliné en 3-7 face à Nishikori 6-4, 6-3. Et Moutet s'est incliné en 2-7 face à Urkaz 6-3, 7-5. Gaël Monfils affrontera aujourd'hui Bagdatis. Et on va terminer en parlant hockey sur glace et on va faire un point complet sur la Ligue Magnus. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé cette saison. La Ligue Magnus qui s'est terminée hier soir. Donc Rouen termine premier, ça on le savait déjà, mais avec un nombre de points record puisque Rouen termine à 121 points sur 132 possibles, 41 victoires sur 44 matchs, rien que ça. Deuxième, nous avons donc Grenoble, troisième Amiens, quatrième Angers, cinquième Gap, sixième Bordeaux, septième Nice, huitième Chamonix. Donc Ces 8 équipes sont donc qualifiées pour les playoffs, ce qui nous donne comme affiche Rouen-Chamonix, Grenoble-Nice, Amiens-Bordeaux et Angers-Gap. Et ensuite, pour les play-downs, eh bien, il y a Lyon, Mulhouse, Anglette et Strasbourg. À noter que Lyon a 18 points d'avance sur Strasbourg et avec la défaite des Strasbourgeois hier, eh bien, les Lyonnais sont assurés de se maintenir en Ligue Magnus avant le début des play-downs. Et on va parler de Philippe Bozon, coach des Boxers de Bordeaux depuis 3 saisons maintenant. Eh bien, il ne sera plus le coach de Bordeaux la saison prochaine. Il va se consacrer à l'équipe de France. Bon, c'était plus ou moins sûr à 100%, hein, mais là, ça y est, ça a été confirmé hier soir, hein, notamment sur les réseaux sociaux, eh bien, des Boxers de Bordeaux. Voilà pour l'actu sportive. On va tout de suite marquer notre dernière pause musicale avec le groupe Indochine et leur titre 3 nuits par semaine. Mais 3 nuits par semaine, c'est sa peau contre ma peau et je suis avec elle. Et 3 nuits par semaine, mais bon Dieu qu'elle est belle. Je suis